Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Pourquoi j'ai un son comme ça là? Waouh, waouh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce son? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un petit problème, un petit problème. J'avais oublié que c'était Cap de Viel. J'étais sur autre chose. Quand t'es dans le désert. Depuis trop longtemps. On se demande à quoi ça sert. Non, non, non, non, non, non, non. Les yeux bandés.